Jean Lorrain, Monsieur de Focas, 11e partie, le piège. Avril. Avez-vous été voir les Gustave Moreau, rue de la Rochefoucauld? Je vous l'avais pourtant recommandé. Vous verrez là d'étranges regards liquides et fixes, des yeux hallucinés d'une expression divine. Vous les comparerez aux émeraudes enchâssées dans le front d'onyx de l'idole. La nuit, surtout à la lumière des cires, vous verrez comme elle devient intense, étale. Le triomphe d'Alexandre. Connaissez-vous le petit musée de la rue de la Rochefoucauld? Là seulement, parmi les trésors d'une œuvre unique, vous pourrez, en vous hypnotisant, connaître la splendeur enflammée et l'atmosphère d'apothéose d'un soir de mars à Bénarès. Welcome. Gustave Moreau. C'est à l'œuvre de ce peintre que m'adresse Étale et Welcome comme à un médecin guérisseur. Sans s'être concerté, ces deux hommes, entre lesquels je sens je ne sais quoi d'irréparable et qui se détestent, cela j'en suis sûr, m'envoient l'un de Bénarès et l'autre de Nice, au musée de la rue de la Rochefoucauld, comme un merveilleux dispensaire. Et pourtant, Welcome veut me sauver, et Claudius, lui, n'aspire qu'à exaspérer mon mal. Gustave Moreau, l'homme des sveltes salomées, ruisselantes de pierreries, des muses porteuses de têtes coupées, et des hélènes aux robes maillées d'or vif, s'érigeant un lys à la main, pareil elle-même à de grands lys fleuris, sur un fumier saignant de cadavres. Gustave Moreau, l'homme des symboles et des perversités des vieilles théogonies, le poète des charniers, des champs de bataille et des sphinx, le peintre de la douleur, de l'extase et du mystère, l'artiste, entre tous les modernes, qui s'est approché le plus de la divinité, et l'a toujours évoqué meurtrière. Gustave Moreau, l'âme de peintre et de penseur qui m'a toujours le plus troublé. Salomé, Hélène, Lénoa, fatale aux races, les sirènes funestes à l'humanité. A-t-il été assez hanté, lui aussi, de la cruauté symbolique des religions défuntes et des stupres divins adorés autrefois chez les peuples? Visionnaire comme pas un, il a régné en maître dans la sphère des rêves, mais malade jusqu'à en faire passer dans ses œuvres le frisson d'angoisse et de désespérance. Il a, le maître sorcier, envoûté son époque, ensorcelé ses contemporains. Contaminé d'un idéal maladif et mystique, toute cette fin de siècle d'agioteurs et de banquiers. Et sous le rayonnement de sa peinture, toute une génération de jeunes hommes s'est formée, douloureuse et alanguie, les yeux obstinément tournés vers la splendeur et la magie des jadis, toute une génération de littérateurs et de poètes, surtout nostalgiquement épris, eux aussi des longues nudités et des yeux d'épouvante et de volupté morte de ces sorcières de rêve. Car il y a de la sorcellerie dans les pâles et silencieuses héroïnes de ces aquarelles. C'est extasiante et extasiée qu'il fait toujours surgir ces princesses dans leur nudité, cuirassées d'orfèvrerie, léthargiques et comme offertes dans un demi-ensoleillement, presque spectrales tant elles sont lointaines. Elles ne réveillent que plus énergiquement les sens, n'en domptent que plus sûrement la volonté, avec leur charme de grandes fleurs passives et vénériennes, poussées dans les siècles, sacrilèges, et jusqu'à nous épanouies par l'occulte pouvoir des damnables souvenirs. À celui-là peut se vanter d'avoir forcé le seuil du mystère, celui-là peut revendiquer la gloire d'avoir troublé tout son siècle. Celui-là, avec son art subtil de lapidaire et d'émailleur, a fortement aidé au faisandage de tout mon être, comme à toute une génération d'artistes malades, aujourd'hui d'au-delà. Il m'a donné le dangereux amour des mortes et de leurs longs regards figés et vides, les hallucinantes mortes de jadis, ressuscitées par lui dans le miroir du temps. Sous les frissons nacrés d'un ciel ardent et triste, fleurit, hymne adorable en sa mélancolie, la chanson des sirènes. Un incurable ennui nage dans l'améthyste. De leurs longs yeux, l'ennui du Dieu qui les oublie sur ses grèves sereines. Les sirènes diadémées de perles et de madrépores, de la fameuse aquarelle, les sirènes pareilles dans leur groupe implacable et triste, à quelques monstrueux corails blancs dont les branches seraient mortes et vivraient. Et c'est à cette œuvre morbide, à cet art périlleux et trouble, qu'Étale et Welcome me pressent de retourner. C'est cette œuvre qui m'a pénétré déjà jusqu'à la souffrance, qui m'assure être la guérison. Et cette petite idole aux prunelles émeraudées qui ricane, car elle a beau être muette contre la matière, j'entends plus que je ne vois son rire dans la nuit. Paris, 30 avril. J'y suis allé. Et le même soir. Quelle honte! Si c'était là ce qu'ils voulaient, ils ont lieu d'être satisfaits, et pleinement, car l'épreuve a réussi, et au-delà de toute espérance. J'y suis donc allé, et tout droit, sans m'arrêter à la salle du premier. Je me suis fait indiquer le triomphe d'Alexandre au second étage, et je me suis longtemps absorbé devant. Je le trouvais d'ailleurs incomparable, un des plus beaux morceaux du maître. C'est dans une splendeur et un grandiose d'architecture, évoquant toute la magie de l'Inde ancienne, un mouvement de foule, une somptuosité de figures et de cortèges, de théories de chars, de palanquins et d'éléphants, toute une frise de défense et de trompe, encensant, adorant, je ne sais quelle figure d'homme assis sur un trône inaccessible, une espèce d'autel monumental échafaudé sur des motifs de décoration chimérique, des dragons, des sphinx et d'énormes lotus, des monstres et des fleurs. Des fleurs, encore jonchent un sol de mosaïque. Dans le fond, des eaux froides et bleues stagnent dans les viviers de marbre. Des pagodes et des temples s'y doublent, taillés à même le porphyre, l'onyx et les pierres précieuses d'une haute falaise, une abrupte falaise dont l'arabesque épique terrifie et ravit. Et là-dessus règne une atmosphère inexprimable, une poussière on dirait d'or fluide et de pétales d'iris. Tous les jaunes et tous les bleus baignent ce décor de féerie. Et de ces nuances, de cet ensemble et de tous ces détails, s'émane un charme et une telle douceur, une telle joie enivrée de vivre, si l'on pouvait, dans cette ambiance en même temps qu'un si poignant regret de n'avoir jamais connu ces époques et ces foules, que le dégoût vous prend de ce temps et de notre si mourir. Le triomphe d'Alexandre. Et Welcome m'écrit que c'est là l'atmosphère de Bénarès. Dans la haute salle autour de moi, véritable musée des œuvres du maître, c'était du plafond à la simèse, les dangereux fantômes déjà connus, les Salomés dansant devant Hérode, leurs chevilles cerclées de sardoines, et le geste hiératique de leurs bras droits tendus. C'était aussi les saints mars de songe aux coupoles d'ambre clair, qui servent de décor à l'immémoriale scène de luxure et de meurtre. Et puis ailleurs, répété jusqu'à 10 fois, au pied de roches, on dirait écumantes, le groupe tragique et gémé des sirènes, et encore Hélène errant, les yeux mi-clos sur les murs de Troie. Et partout dans les Hélènes, comme dans les Salomés, dans les Messalines à Subure, comme dans les Hercules chez les filles de Testus, ou dans les marais de Lerne, l'obsession des mythes antiques apparaissait, se dénonçait partout dans ce qu'ils ont de plus sinistre et de plus cruel, charniers purulents des cadavres du sphinx, ossements blanchis des victimes de l'hydre, monceaux de blessés, d'agonie et de râles, que domine, placide et silencieuse, la figure d'Ennoïa, tête saignante de Saint Jean-Baptiste et d'Orphée, dernière convulsion de ses mêlées se tordant, consumée, sur les genoux d'un impassible Zeus. J'errais et chancelais dans une atmosphère de massacre et de meurtre, comme une odeur de sang flottait dans cette salle. Je me rappelais les paroles d'Étale me vantant un soir, dans son atelier de la rue Servandoni, l'atmosphère de beauté et d'épouvante dont s'enveloppe toujours l'homme qui a tué. Je descendais. La salle du premier ne comptait pas moins de cadavres. D'un monceau de corps en putréfaction, une énorme tige de lys jaillissait, viride et lisse. Elle montait droite et dans les pétales géants de sa fleur, portait assise une mystique princesse, une jeune et svelte figure de sainte auréolée, tenant d'une main le globe et de l'autre une croix. Et c'est de la sanie et du sang corrompu du charnier que montait la floraison miraculeuse. Tous ces meurtres aboutissaient à une angélique figure de femme. Elle aussi avait le regard vide et fixe des Hélènes et des Salomées. Je quittai le coin de la salle où le dangereux symbole glorifiait l'inutilité du martyr, et je prenais déjà l'escalier pour gagner la rue, le grand air et la réalité du dehors. Quand, tout au bout de la vaste pièce, une grande composition m'attirait. Entre les colonnades d'un temple ou d'un palais grec, des nudités de jeunes dieux se groupaient ou s'isolaient dans des attitudes passionnées et tragiques, les uns couronnés de fleurs, les autres chargés de joyaux, comme des femmes, et plus nus que la nudité dans des ajustements raffinés et barbares, où leurs torses convulsés se moulaient. Et c'était une scène de banquet interrompu, car des amphores et des plats de métal jonchaient les premiers plans mêlés à des cadavres. Étendus sur les dalles, les corps se développaient, superbes, merveilleusement étirés dans leur chute, plastiquement raidis par la mort. Car c'était aussi une scène de meurtre, le meurtre des prétendants dans le palais de Pénélope au retour d'Ulysse. Le héros s'apercevait au fond, debout dans l'embrasure d'une haute porte de bronze, et Minerve, la Pallas hirondelle de l'Odyssée, voltigeante et vertigineuse, dans un nimbe de flammes, dirigeait les flèches de son arc. Beaucoup déjà avaient porté, car le palais était rempli de morts. Pour attendrir, le peintre les avait faits tous adolescents, et cette hécatombe de jeunesse, de prétendants encore enfants, donnait à toutes ces agonies une sensualité voluptueuse et cruelle qui fut connue de Tibère et de Néron. Au milieu, tout un groupe épeuré se bousculait autour des lits de trois héros plus intrépides qui continuaient de boire en attendant la mort. Ils n'avaient même pas quitté leur coussin et, nonchalant et couché, la coupe à la main, ils semblaient mépriser l'agonie hurlante et désespérée de leurs compagnons. Et une grande admiration me prenait de ce calme et de ce dédain parmi cette foule ruée d'épouvante. Mais entre toutes ces nudités divines, toutes de soie et de joyaux, deux m'attiraient. Et non pas par la pureté de leurs lignes, mais par le charme impérieux de leurs faces, des faces de résolution et d'angoisse, dont les yeux hallucinés enivraient. L'un debout, dans un grand élan de tout son être, avait déchiré, ouvert ses vêtements, pour mieux recevoir les coups, et le ventre nu, toute sa jeune chair, offerte dans un envol de draperie bleuâtre, semblait adjurer les dieux et invoquer la mort. C'était l'adolescence même se ruant au gouffre, la soif du martyre, l'offrande d'une jeune âme héroïque au trépas. L'autre, assis dans un coin de la salle, contre une colonne au chapiteau de bronze vert, élevait lentement jusqu'à ses lèvres une coupe, et tranquille, avec deux profondeurs superbes dans les yeux, buvait la mort, car la coupe était empoisonnée. Un pavot surnageait à demi effeuillé sur le breuvage, et à défaut de la gravité sereine du geste, la tragique illumination des prunelles l'eût dénoncé, la suprême détermination de cet amant ne voulant donner qu'un cadavre aux flèches vengeresses de l'époux. Mais ce que je ne pouvais méconnaître et ce qui me remuait tout entier, c'était les yeux, les inexprimables yeux de ces deux agonies. De quel violet le peintre les avait-ils noyés? Dans quel vert livide avait-il trouvé leur cernure? Mais ils vivaient, ces yeux, comme deux phosphorescences et comme deux calices de fleurs. Étal ne m'avait pas trompé. C'étaient bien les yeux de mon rêve, les yeux de mon obsession, les yeux d'angoisse et d'épouvante, dont il m'avait prédit la rencontre, regard plus beau que tous les regards d'amour, parce que devenu décisif, surnaturel, et enfin eux-mêmes dans l'affre de la dernière minute à vivre. Et sa théorie m'apparaissait enfin justifiée par le talent et le génie du peintre. Je comprenais enfin la beauté du meurtre, le phare suprême de l'épouvante, l'ineffable empire des yeux qui vont mourir. Tu n'iras pas plus loin. Avril 1899. Et pour l'obsession de ces yeux, j'ai failli tuer cette fille. Oui, j'en suis là, je vais m'enivrer, m'hypnotiser de beauté devant l'œuvre d'un Gustave Moreau, et je rapporte une âme d'assassin. Quelle ignominie! Toute une journée je m'exalte et je m'hallucine devant les terribles phosphorescences d'une peinture de poète et d'émailleur. Et le même soir je me retrouve dans un bouge, entre l'effroi d'une rôdeuse, un pubère, et la goguenardise menaçante d'un souteneur. C'est la présence de cet homme qui m'a sauvé. Sans lui, sans sa brusque intervention, j'aurais refermé sur ce coup frêle de hideuses mains d'étrangleur. Car elles sont devenues hideuses, mes mains. Maintenant que rentrée, enfin, au logis, je les regarde de sang-froid, sous la lueur de la lampe, elles m'apparaissent déformées dans leur souplesse enveloppante, mes mains étroites, aux doigts effilés et longs. Je ne leur soupçonnais pas tant de force. Elles me font l'effet de serre, maintenant que j'ai senti dans leur étau une agonie s'effarer et demander grâce. Comme le pouce est long. Je ne l'avais jamais tant remarqué. Quand je réfléchis pourtant, je ne puis croire que l'hantise des inexprimables yeux des prétendants ait pu me conduire où je suis descendu. Et pourtant, quand dans cette chambre d'hôtel j'ai pris à la nuque cette fillette épeurée, c'est bien l'affre de la dernière minute à vivre que je cherchais dans ses prunelles. Mais aussi pourquoi avait-elle cette forme et cette qualité Dieu? Je revivrai toujours cette seconde. Je me suis senti sombrer dans un tel vertige de sensations et de vide que j'ai cru que je devenais un Dieu, qu'une seconde nature se faisait jour en moi et que je tenais enfin l'insaisissable. Quelle piteuse et banale aventure! Cette promenade à Volo, parmi cette fête de faubourg, le relent de grillons, de sueurs, et de loques sales d'une sortie d'atelier sous les arbres, déjà poussiéreux de cette avenue, et parmi la flânerie éreintée d'ouvriers musant aux baraques, les allées et venues de cette gamine. 17 ans à peine, un peu de chair tendre et blonde entrevue, très blanche, par l'entrebâillement d'un caraco. La nuque dorée et les joues d'une maturité rose, déjà hâlée, d'un autre ton que la gorge et le cou, l'air encore paysan et frais, malgré la livrée de la prostitution. la mine fermée, comme attelée à une tâche, elle déambulait dans la fête, à la fois obstinée et très lasse, pas jolie, mais pire, avec son air de petite vierge maussade et sa façon gauche de relever sa robe sur le drap rouge de son jupon. Une débutante, cela sautait aux yeux. Quelques pauvres petites bonnes débauchées de la veille et que devait surveiller, à quelques pas plus loin, la flânerie aux aguets de quelques affreux voyous. Elle passait deux fois auprès de moi, balbutiant d'une voix indistincte quelques obscénités apprises. Jetait un rapide clin d'œil du côté des agents et repartait en chasse, évidemment étranglée de terreur et tristement novice dans son métier de rôdeuse. Sa maladresse m'intéressa, et plus par pitié que par vice. Je me mis à la suivre, je lui emboîtais le pas. La petite s'apercevait de mon manège et, au coin de la rue, se retournait brusquement, me faisait face, et ses grands yeux enfin levés sur moi. « Elle vous paye un verre ? Il en fait une soif » jargonnait-elle dans l'affreux argot des rencontres de faubourg. Ses yeux, les prunelles en étaient à la fois bleues et violettes, irisées et changeantes, et d'une expression si triste, si craintive surtout. Une gosse, j'eus d'abord la pitié bien plus que le désir. Moi, le duc de Fréneuse, j'emmenais dîner près d'une gare cette petite prostituée de Vaugirard. Elle était effarée, ahurie, ne croyait pas à l'aubaine de ce dîner dans un restaurant avec un client bien mis. Les gens avec qui elle avait affaire étaient plus expéditifs. Je lui parlais doucement, consultais son goût pour le menu. Jusqu'alors je n'avais regardé que ses yeux, tout au charme de leur nuance indéfinissable et profonde, peut-être déjà pris au ragoût délicieux de la terreur, car c'est de la terreur que je lui inspirais. Mon amabilité, mes petits soins, ma douceur redoublait ses inquiétudes. L'homme qui en vivait devait nous avoir suivis et nous surveiller du dehors. Elle n'avait pour moi que cabrement et recul, les prunelles fixes agrandies. Elle avait l'air d'une petite âme en danger, qui se convulse et se contient pour ne pas crier au secours. Et ses effarements décageaient sourdement en moi une bête fauve, dont je sentais monter impérieusement le rythme. Ô Néron buvant avec délice les larmes des martyrs, la volupté sinistre des Augustans, jetant aux prétoriens la pudeur et l'effroi des vierges chrétiennes, les éclampsies de joie, forcenées et féroces, dont s'emplissaient les lieux infâmes avant les jeux sanglants du cirque, et les jeunes filles, les enfants et les femmes livrées deux fois aux bêtes, aux tigres et à l'homme. La joie entre toutes iconoclastes et cruelle d'écraser une faiblesse et de briser une tige, la triomphante ignominie de la force, se plaisant à broyer toutes les fragilités. C'est toute cette boue et toute cette fièvre qui me crispèrent les mains et me bourdonnèrent aux tempes, quand une fois dans la chambre, l'enfant aux grands yeux tristes refusa de se dévêtir. Elle n'avait pas le temps. Je devais faire vite. Elle demeurait chez ses parents. Ils avaient dû dîner sans elle. Son père était brutal. Elle aurait des ennuis à cause de moi et toutes les défaites ordinaires de ses fausses apprenties en pareil cas. La vérité est qu'elle avait peur. Peur de moi et de mes regards qui devaient flamber étranges. Elle s'était assise sur le lit et d'instinct, avec un geste de victime, avait croisé ses mains sur sa camisole que j'essayais de dépoutonner, une affreuse fièvre au bout des doigts. Et comme j'insistais, devenue brutale, elle se redressait, et dans un mouvement d'épouvante et peut-être de révolte, « L'argent, d'abord !» annonçait une voix rauque, et souple comme une anguille, elle glissait hors de mon étreinte et se réfugiait dans un angle. Elle avait la manifeste horreur de moi. Alors je vis rouge. La pensée que cette petite rouleuse se refusait à moi, moi le duc de Fréneuse, l'examen des Willy et des Itzekranil, dont les caprices sont cotés et implorés chez tous les trafiquants de chair de Londres et de Paris, cette pensée m'exaspéra. Les prunelles violettes, devenues immenses, me fascinèrent et m'entraînèrent à la fois. Une chaleur de four m'affolait, suffocante. J'étranglais de rage et de désir. Ce fut un besoin de saisir ce corps frissonnant et craintif, de forcer son recul, de le broyer, de le pétrir. Et mes deux mains, saisissant la gamine à la gorge, l'étendirent tout de son long sur le lit. De toutes mes forces, je pesais sur elle, lèvres à lèvres et les yeux attachés sur ses yeux. « Sotte, petite sotte !» étouffai-je entre mes dents, et pendant que mes doigts s'enfonçaient lentement dans sa chair, je regardais ravi s'irradier le bleu foncé de ses prunelles, je sentais ses seins palpiter sous moi. « Mathias, Mathias !» soufflait la petite dans un râle. Un coup d'épaule enfonçait la porte. Une main m'empoignait la nuque, me soulevait par le collet de ma jaquette et me jetait debout dans la salle. « Et qu'est-ce qu'il y a? Monsieur veut une purge? On fait du mal à la gosse ?» Et l'homme, un ignoble zingueur, pas jeune, les joues sales, d'une barbe de 3 jours, avec autour du cou le foulard lâche des professionnels, me toisait du haut de ses petits yeux bougeurs, des yeux mobiles, inquiétants et inquiets de bête fauve. Et puis l'examen passé, un doigt roulé dans sa moustache, l'autre main enfoncée dans la poche de sa côte de velours. « Eh bien, Toinette, qu'est-ce qu'il a, monsieur ?» Et me fouettant d'un clignement d'yeux complice, « Allons, au refil !» C'était un guet-apens. J'aimais mieux cela. J'avais pris dans la basque de ma jaquette le revolver qui ne me quitte jamais. Je l'armai, et de ma main gauche restée libre, cueillant quelques louis dans mon gilet, de la musique goguenardais-je, à mon tour en employant leur affreux argot. Ça ne prend pas avec moi, je connais la chanson. La petite est mineure, n'est-ce pas? Mais je l'ai cueillie racolant. Vous êtes bons tous les deux pour la tour, mais ça ne vaut pas même une plainte. Vous ne savez pas travailler. Il faudrait que je vous dresse. Allons à la porte. Rangez-vous ou Bibi va parler. Et j'élevai mon revolver. L'homme m'écoutait complaisamment. Mon argot l'intéressait. Mais lui aussi, et les bagues de mes doigts bien davantage, car il ne quittait pas mes mains du regard. Il esquissait un salut de danseur, et la mine tout à fait obséquieuse. « Monsieur est de la haute. Mais nous savons vivre. Oui, la petite est ma marmite. Mais nous sommes honnêtes dans le métier. Toinette aurait marché pour 100 sous, peut-être la double thune avec vous à cause des nippes. Mais que vouliez-vous lui faire à cet enfant? Vous lui avez fait mal qu'elle a crié. » Quelle sale histoire de Rupin! Allons, Toinette, jaspine un peu. Qu'est-ce que monsieur y fait? Laissez-la, cet enfant, qu'elle s'explique. Maintenant, la petite effarée, blottie contre son protecteur, balbutiait la rencontre et la scène avec de grands gestes. Et l'homme, la prunelle allumée, écoutait sa face sinistre, s'était éclairée. Il me considérait maintenant avec bienveillance. Allons, faisait-il en raflant les 3 louis que j'avais posés sur la table. Je vois ce que c'est, il suffit de s'entendre. Allons, morveuse, oust, dehors, vide le plancher, gâte métier. Faut l'excuser, c'est jeune, ça ne connaît pas la vie. Il y a des gens parfois si drôles, elle a pris peur. Va m'attendre chez le marchand de vin, en bas, et fais demander Néneste, le petit imprimeur, l'apprenti, qui est avec la grosse Marie depuis 10 jours, le gosse qu'elle a recueilli et qui loge chez elle. La grosse Marie était donc bouchée, et il levait la main sur la fillette. La grosse Marie qui fait le coin du troquet de la rue, le courbe. Dis-lui qu'elle vienne avec Néneste. Amène-les chez mon marchand de vin tous deux. Je descends avec monsieur. Tiens, pour boire. Et il jetait 100 sous à la petite, et quand la malheureuse fut sortie. Suffit de s'entendre, si monsieur s'était expliqué. Moi, je suis dessalé, je suis pas dur. Je vois les choses tout de suite, moi. Il fallait le dire, on aurait trouvé ce qu'il faut à monsieur, j'ai votre affaire. Et s'effaçant devant moi, la porte grande ouverte. Prenez donc la peine, monsieur, en être venu là. Portez imprimé sur mes traits un tel masque qu'on arrive à me chuchoter, en plein Grenelle et Vaugirard, les propositions murmurées dans les rues du Caire et sur les quais de Naples. Et c'est devant la peinture de Gustave Moreau que j'ai été cueillir l'âme de ce masque. Où en suis-je, mon Dieu? Et je n'ai même pas tué l'être qui m'a osé parler ainsi. Étale a donc tout supprimé en moi. Date Lilia. Paris, 15 mai. Nice. Mon procès est gagné. Le portrait de la marquise Eddy et quelques autres ont quitté Londres il y a 5 jours. Un télégramme de Rottner m'annonce qu'ils sont arrivés depuis hier en gare. Je pars en prendre livraison moi-même. Le tout sera déballé et visible dans mon atelier demain soir. Venez donc faire connaissance avec cette exquise Lady Kernaby, dont le divorce vient de me rendre à mes pinceaux. Elle continue toujours à mourir lentement dans le printemps bleu et hors de la Riviera. Son agonie lui donne des tons. J'ai hâte de rentrer à Paris, ajouter quelques retouches à ma toile. Cette petite marquise phtisique m'aura posé, sans le savoir, un chef-d'œuvre. Je l'ai commencé déjà malade. Je l'aurai achevé moribond. Ce sera, je crois, un peu mieux qu'une variation sur visage de femme. Elle et mon buste de cire, d'après le petit modèle napolitain, auront été les deux grandes émotions de ma vie. Émotions d'art, entendons-nous. Mais ce sont les plus poignantes et les plus riches en sensations complexes. Vous n'êtes qu'un dilettante, vous, mon cher duc. Mais vous comprendrez ma joie et mon orgueil devant le portrait de demain. Vous verrez aussi combien la marquise Eddy ressemble à son frère. Vous trouverez rue Servandoni quelques autres œuvres aussi de votre étal. Mon croquis de la duchesse de Sir Raleigh. La pauvre petite Pérèse qui mourut si malheureusement quelques jours après l'achèvement de son portrait. Et mon pastel de la marquise de Bescoscombe. La plus neurasthénique des Américaines épousée à Londres et que les séances avaient tellement exténué que je n'ai jamais pu l'achever. Parfaitement, mon atelier fut mis en interdit par ordonnance des médecins. Rassurez-vous, la marquise de Bécascombe n'est pas morte. Elle doit être à l'heure qu'il est en Chine. Le marquis a été nommé ambassadeur à Pékin. Je ne vous convie donc pas tout à fait à un bal de victimes. À demain, n'est-ce pas? C'est tout mon atelier de Londres qui a émigré chez moi. Venez vers 7 heures en mai, le jour de 7 heures est admirable. Votre Claudius Étal. La lettre est datée du 14. C'est donc ce soir à 7 heures que Claudius m'invite à contempler les coupables beautés de langueur et d'agonie de ces fameux portraits meurtriers. La duchesse de Surlay, la marquise de Bécoscombe. Et toute la conversation de Pierre de Terramont me revient, et le souvenir de sa visite en août dernier, il n'y a pas un an. Il y a chez lui certaines cigarettes préparées qui provoquent au pire débauche. Et la jeune duchesse de Surlay serait morte en 6 mois pour avoir respiré pendant ces séances d'étranges et capiteuses fleurs. Quant à la marquise de Bécoscombe, elle a cessé, par ordre des médecins, de donner la pose à Étal. Sa neurasthénie s'exaspérait dans l'atmosphère de ce hall éternellement fleuri, de tubéreuse et de lilium. Elle s'y sentait mourir. Ces fleurs, dont la propriété était de nacrer la peau et de cerner délicieusement les yeux de qui les respirait. Ces fleurs éveilleuses de cernes touchants et de pâleurs merveilleuses dégageaient un miasme de mort. Par amour de la beauté, par ferveur, des longs regards noyés et des carnations délicates, Claudius Étal empoisonnait ses modèles. Ce semeur d'agonie cultivait la langueur. Oui, c'était bien là les propos de Terramont, la légende redoutable établie autour du peintre, le bruit des cercles, l'écho de Londres. Et Barbe Bleue me convie à venir visiter ses mortes pour ce soir. Paris, 16 mai, 4 heures du matin. J'ai tué Étal. Je ne pouvais plus. La vie était devenue odieuse, l'air irrespirable. J'ai tué. Je me suis délivré. et j'ai délivré, car en supprimant cet homme, j'ai la conscience d'en avoir sauvé d'autres. C'est un élément de corruption, c'est un germe de mort embusqué, une larve guetteuse aux mains d'ombre tendue vers tout ce qui était jeune, vers toutes les faiblesses et toutes les ignorances que j'ai anéanties. J'ai libéré Welcome, cela j'en suis sûr. J'ai sauvé peut-être cette douce marquise Eddie, dont il volait l'âme et tyrannisait l'agonie. J'ai peut-être rompu le charme affreux qu'il avait jeté sur la marquise de Beacoscombe. Car cet homme était plus qu'un empoisonneur, c'était aussi un sorcier. Et en l'empoisonnant avec sa propre main, j'ai été un instrument inconscient et justicier du sort. J'ai été le bras levé par une volonté plus forte que ma propre volonté. J'ai achevé le geste dont il menaçait le monde et j'accomplis son destin. Et l'enchanteur est mort de son enchantement. Je me suis sauvé moi-même. J'ai agi aussi par peur, par instinct de légitime défense. Je l'ai tué pour n'être pas tué, car c'est au suicide. Et à pis, peut-être, que me conduisait cet étal. Et c'est pour m'excuser que j'invoque maintenant le salut des autres. Quand j'ai brisé sur ses dents l'affreuse émeraude, ce n'est pas aux autres que je pensais, mais à moi seul. Et voilà pourquoi je ne suis qu'un vulgaire meurtrier, pas même un assassin passionnel qui tue pour le plaisir de tuer, l'assassin de volupté que j'aurais pu être, mais le bourgeois ahuri qui tire en tremblant sur le cambrioleur qu'une chute de meubles a dénoncé. J'ai tué Étal. Comment cela s'est-il fait? Certes, je le haïssais, mais je le craignis encore plus. Et je suis encore là, essayant de rassembler mes idées à la lueur de ces deux candélabres dans le silence de la demeure endormie. Et je ne peux pas. Je ne peux pas. Les mots et les images se heurtent dans ma pauvre tête vide, où ballotte une chose douloureuse, qui est mon cerveau liquéfié et meurtri. Mes tempes bourdonnent, j'ai la peau sèche, la bouche amère, et derrière les persiennes closes, il fait déjà grand jour. Dans l'hôtel, personne ne m'a vu rentrer. Je n'ai pas demandé la porte au concierge. J'ai ouvert moi-même, avec ma clé, et me suis glissé dans l'ombre, comme un voleur. Non, comme un assassin. Welcome aussi a tué, prétendait Étal. Nous sommes deux maintenant. Oui, nous pouvons nous donner la main. Il m'avait dit que je tuerais un jour, que j'en arriverais là. Je me souviens. Il le savait donc. Si je pouvais croire qu'il me soupçonne, je le supprimerais, lui aussi. Je ne veux pas être un assassin, moi, le duc de Fréneuse. Si je pouvais dormir, je voudrais avant tout ressusciter cette scène, écrire minute par minute comme je l'ai vécu et comment je fus amené. Oh, j'ai mal. Allons une piqûre de morphine et que je tombe dans le sommeil comme dans un trou. Je me ressaisirai demain. Même jour, 10 heures du matin. Ce fut très sain. Il m'avait dit à 7 heures. À 7 heures, j'étais chez lui. Ce fut sa volontaire et vigoureuse poignée de main, son étreinte d'étau. Il avait toutes ses bagues. Les perles monstrueuses et livides pareilles à de pustules de nacre, et au médius, la gemme glauque, égratignée d'une griffe d'argent, la bague de Philippe II lui-même, le modèle de l'Escurial. Et c'est à cette lueur verte qu'allait immédiatement mon regard, en pénétrant ce soir-là chez lui. Le bal des victimes, clamait-il en renouvelant l'odieuse plaisanterie de sa lettre. Cela va bien. Ménagez-vous, mon cher duc. Je vous trouve un peu jaune. Allons, venez voir comme elles sont jolies. Le cabotin. Son atelier était de haut en bas fleuri de tubéreuses et de grands lys. Toute la floraison blanche et capiteuse dont il avait empoisonné les séances des modèles. Étal l'avait voulu autour des portraits pour faire mieux sienne les ressemblances dérobées à ses femmes. Ou, qui sait, pour m'impressionner davantage et m'inféoder plus étroitement à lui, car il le savait bien, je ne pouvais ignorer la légende. Cet Étal, il lisait en moi livre ouvert, comme pour une veillée de morte. Goguenardait-il en me faisant remarquer les fleurs. Ne sont-elles pas elles-mêmes trois beaux lys, mais trois lys délicieusement doloris, trois grands lys blancs qui se fanent, une grâce étrange et navrante est dans le blanc trépas des lys. La duchesse de Surlet, à tout seigneur tout honneur, pour celle-là il n'y a pas métaphore. La duchesse est vraiment morte. Croyez que je n'y suis pour rien. Je cultive seulement la légende à Londres et à Paris aussi. C'est la seule condition à laquelle on vous reconnaisse du génie. Elle aimait trop les fleurs, c'est ce qui l'a tuée. Et les lèvres retroussées dans un rictus de carnassier, toutes ses fortes dents apparentes. Voyez quelle petite vierge cela était. On ne lui prêtait pas moins de trois amants. Regardez-moi cette candeur et les yeux, surtout les grands yeux bleus, d'une eau si pure dans l'ombre portée des cils, et la délicatesse du nez. On les sent vibrer, n'est-ce pas? Ses narines, c'était une petite femme de nacre, et ce n'est qu'une esquisse pourtant. Dans un haut cadre de chêne ciré, c'était une grande toile bise, dont le milieu seul semblait vivre. D'un flot de mousseline et de linon, jeté comme dans un portrait de Reynolds, une frêle figure de jeune femme, ou plutôt de jeune fille, émergeait, tendrement nimbée de lumière blonde. Où Étale avait-il pu prendre cette science du clair-obscur et de l'enveloppement? Du fond monotone et bis de la toile à peine préparée, le visage et la gorge de la jeune duchesse émanaient à la manière d'un parfum. Peinture psychique, pour ainsi dire, sous l'envol des linons. La fragilité de cette taille, l'ovale aminci de ce visage était d'une âme encore plus que d'une fleur. La duchesse de Surlet, c'était à la fois la minceur d'une tige et la transparence d'un calice d'iris blanc, baigné dans une lueur. Créature irréelle de grâce et d'aristocratie. Déjà lointaine comme une apparition et que l'on sentait vouée à l'irréparable et à la mort. Oh, la profondeur étonnée de ses grands yeux couleur de source. Je ne pouvais me lasser de la regarder. Autant qu'une pairesse anglaise peut ressembler à une courtisane, l'esquisse de Clodius me rappelait douloureusement Willie Stephenson. C'était bien le même cou frêle et blanc qui appelait l'étranglement ou la hache. Une nuque d'ambre et de neige, faite pour l'échafaud. Une de ces beautés de luxe et de race dont la délicatesse offusque et exaspère. Un défi de l'atavisme, un spécimen d'humanité précieux et rare, qui attire l'émeute et la foudre et la mort. Charmante, n'est-ce pas? Grasseyait à la parisienne la voix moqueuse d'Étale. Un Caligula lui fait violer au cirque, aux applaudissements de toute la tourbe romaine. Je vous l'ai dit, un vrai lys. La souffrance les divinise, leur élégance et leur pâleur, dans le grand cornet de Venise, semble un martyr de fleurs. Mieux que charmante, touchante. Or ce petit ange avait par lui-même 300 000 francs de rente, et Tony Sternett, le gros commanditaire de la maison Humphrey et compagnie, soldait tous ses paris de course de l'année, y compris ses folies d'Epson, le jour du derby. Cette enfant était joueuse, une bagatelle de 80 000 livres sterling au bas mot, qui donnait à Sternett accès à la table et au lit. Oui, cette idéalité-là, et il n'y avait pas que lui, mon cher Freineuse, il y en avait deux autres. Si je m'en souvenais, je vous citerai les noms. L'homme aux mains baguées continuait de baver sur les lys.